Et... Que voulez-vous, monsieur ? Comment ? Ne m'avez-vous pas appelé ? Moi, non. Il faut donc que les oreilles m'écornent. Demeure un peu ici pour voir comme ce médecin te ressemble. Oui, vraiment. J'ai affaire là-bas et je l'ai assez vu. Si je ne les voyais tous deux, je croirais que ce n'est qu'un... J'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances, et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé à celle-là, et j'aurais juré que c'est la même personne.